Fanny sort d'une maison dont la porte est ornée d'une plaque de cuivre, celle du docteur Venel. Ses traits sont tirés, son regard lointain. Elle s'éloigne dans la foule des passants. Honorine et sa sœur ont fini de mettre le couvert et elles bavardent en attendant Fanny. Eh bien, Honorine, si tu veux que je te dise mon idée, pour la petite, c'est une belle chance. Les sous, c'est pas tout, mais finalement... Fanny entre muette. Bonjour, petite. Alors, tu es allée faire une petite promenade? Fanny regarde fixement Claudine, mais ne répond pas. Oh, écoute, aujourd'hui que tante Claudine vient nous voir, ne recommence pas à faire le mouron, s'il te plaît. Oh, mais Norine, elle ne fait pas le mouron. Mais regarde-la, elle fait un mouron de 6 pieds de long. Allez, va, elle ne gronde pas comme ça. C'est malheureuse. Tu vois pas que c'est la passion, ça? Quelle passion? Allez, Zouba, mets-toi-moi à table. D'abord, j'ai une faim terrible, moi, et puis on sera mieux pour parler. Fanny, ma petite, aide-moi un peu à mettre le couvert. Tu dois avoir faim, toi aussi, ok? Maman, je vais avoir un enfant. Qu'est-ce que tu dis? Mon Dieu, un enfant? Va-t'en, fille malhonnête! Va-t'en, fille perdue! Si ton pauvre père était là, il te tuerait! Moi, je t'ouvre la porte! Moi, tu crains! À la rue, les filles des rues! Moi, tu n'es plus ma fille, je n'en veux plus te voir! Maman! Va dans tes chambres, va faire tes paquets, fille! Norine, comment crois-tu de bêtises, tais-toi, hein? Oh, c'est encore pire que Zoé! C'est le déshonneur sur la famille! Allez, va-t'en tout de suite, ou je te reste dehors en train de parler! Norine, attendez! Elle s'évanouit dans les bras de Claudine. Ça ne sert à rien. Après tout, l'honneur, c'est pénible de le perdre, mais quand il est perdu, il est perdu. Et toi maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire? Oh, je ferai ce que tu voudras pourvu que tu me gardes. Ma petite, alors tout est sauvé. Épouse au panisse. Ah, est-ce qu'il me voudra, lui? Mais oui, ma belle, il t'a redemandé ce matin. Et cette fois, c'est oui. Oui. Qu'est-ce que tu as dit, toi? Mon idée, si maman le permettait, ce sera de ne pas me marier. Il est mon enfant par mon travail, attendant que son père revienne. S'il le revient. Oh, ça c'est beau, tu sais. C'est beau, mais c'est difficile. Difficile. Impossible, tu veux dire. Écoute, ma petite Fanny. Tu sais, dans toutes les familles, il peut y avoir une fille mère ou une garce. Ça se pardonne parce que c'est naturel. Mais chez nous, c'est impossible. Notre sœur Zoé a déjà pris le tour. Et si tu l'épouses Papa Nice, nous sommes tous déshonorés. Et moi, je mourrai de chagrin pour ta faute. Qu'est-ce qu'il me voudra encore, lui? Et puisqu'on te dit qu'il te redemande. Tu ne peux pas savoir que j'attends un enfant. Eh bien, heureusement qu'il ne peut pas le savoir. Mais tu voudrais que je l'épouse sans le lui dire? Mais Fanny, tu serais pas assez bête d'aller lui raconter ça. Et pourquoi tu le lui dirais? Est-ce que tu n'es même pas absolument sûr que c'est vrai? Le docteur Venel me l'a dit ce matin. Hein, le docteur Venel, il est gaga, il a 100 ans. Mais non, si c'est pas vrai, je suis pas obligée de me marier. Mais on n'a pas besoin d'être enceinte pour se marier. Prends Panisse, puisqu'il se présente, et ne lui dis rien. Oh non, moi je veux pas être malhonnête à ce point. Une femme n'est jamais malhonnête avec un homme. Si nous sommes dans cette misère, c'est à un homme que nous le devons. Eh bien, faisons payer la faute par un homme. J'ai fait le photographe, je le sais. J'ai gâché ma vie, tant pis pour moi, c'est à moi de me débrouiller. Mais alors, parce que Panisse est bon et parce qu'il m'aime, je vais mettre un bâtard dans sa maison. Je lui volerai son nom pour l'enfant d'un autre. Mais si je faisais une chose pareille, je ne veux plus regarder personne dans les yeux. Je me croirais la dernière des dernières. Je serais une véritable fille des rues. Et c'est vous qui me proposez ça. Eh bien, c'est ça. Donnez-nous des leçons de morale maintenant. Oh, tiens, tu n'es qu'une méchante fille. Tu n'es qu'une ingrate. Tu n'es pas une. Vous n'avez pas peur que ma soeur comédie, non? Allez, vaille. Tout ça, c'est terriblement tragique, mais on peut manger quand même. Tiens, Fanny, ma petite, assieds-toi là. C'est parfait. Fanny sort. En silence, les deux femmes se mettent à table. Claudine sert l'aïoli à sa sœur désolée qui découpe tristement la morue. Quand on n'a pas d'enfants, on est jaloux de ceux qui en ont. Et quand on en a, ils vous font devenir chèvres. La Sainte Vierge, pauvre sœur, elle en a eu cueil. Et regarde un peu les ennuis qu'il lui a fait. Et encore, c'était un garçon. Dis-moi un peu, Nourine. Les petits bâtards, ils sont moins jolis que les autres? Non. Au contraire, quelquefois, ils sont plus forts et plus intelligents. D'alors, de quoi tu te plains?